Après Shane Gauthier l'an dernier, Dolbo Mistassini a un deuxième joueur repêché par une formation de la Ligue canadienne de football. Alexandre Gagnon a été repêché par les Stampeders de Calgary récemment. Et tout le personnel et la direction de Dolbo Auto est très heureux et félicite Alexandre. Un bel exemple de ténacité et détermination pour notre jeunesse. Notre département des ventes vous invite à venir voir nos différents modèles, Sierra et Silverado, à partir de 10 500 $. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg à Dolbo-Mistassini, 418-276-0580. La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. On est pas mal content de à ce temps-ci de l'année de suivre la Ligue canadienne de football, parce qu'évidemment il y a deux gars de Dolbo Mistassini qui font partie des équipes de l'Ouest, Shane Gauthier à Winnipeg qu'on a suivi l'an passé, et là un nouveau Alexandre Gagnon qui est à Calgary, et on est d'autant plus fiers d'avoir un collaborateur qui est sur place. Il est allé au Canadiens Stamps, il va aller au Canadiens Bombers pour nous parler un peu, il va s'entretenir avec nos deux gars, parler au coach également. C'est Marc-Éric Bouchard de Radio-Canada à Calgary. Salut Marc-Éric. Hey, bonjour Danny, bonjour à tout le monde. Oui, oui, oui, ça va bien, ça va bien. Marc-Éric, t'es un collaborateur, tu fais les sports dans les quatre coins les quatre provinces de l'Ouest, donc pour Radio-Canada. Et parle-moi un peu d'abord, mais t'es un gars également natif de la région. Ça, c'est d'autant plus fun aussi. Oh là. Oui, fier de l'être en plus. Hein. T'es ouais. Très fier d'être un bleuet. J'ai grandi en fait dans la belle localité d'Héberville Station. J'ai fait évidemment mon école primaire dans mon village. J'ai fréquenté le séminaire marien du clergé à Métabéchouane. Et moi, je suis originaire de Belleville Station, mais ma souche des Bouchards, si on veut, c'est une souche plus du Saguenay qui est finalement déménagée au lac Saint-Jean pour avoir des terres dans le rang Saint-Pierre à Belleville Station. Et moi, ma souche, c'est la même souche que l'ancien ministre des Transports au fédéral, Benoît Bouchard. Okay. FX Bouchard, ça c'est ma famille, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de différentes souches de Bouchard dans notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, Marc-Éric, est-ce que tu connais Sylvain? Après ça, on va parler des Stamps. Est-ce que tu connais Sylvain Bouchard? Moi, je l'écoute tous les matins. Sylvain, c'est un gars qui vient d'Héberville également. Il en parle souvent. Fait que, est-ce que tu es... Oui, c'est ça. Je le connais bien, je l'ai fréquenté, j'étais même moniteur de terrain de jeu avec lui à l'époque. Lui, il a fréquenté aussi, évidemment, l'école secondaire que moi j'ai fréquenté. Mais lui, il est originaire de Notre-Dame-d'Héberville, tandis que moi, j'étais de l'éducation. Okay. C'est peut-être ça la différence de souche de Bouchard, mais je le connais très, très bien. Il fait une belle carrière dans le domaine de l'animation dans la région de Québec. Marc-Éric, parle-moi des Stamps. Quand j'ai parlé de Dolbo Mistassini, évidemment, c'est ça qui est le fun, c'est que, étant donné que tu viens d'Héberville, tu t'imagines un peu comment qu'on est fiers d'Alexandre Gagnon. Ah, certainement. Est-ce qu'Alexandre Gagnon a des, vraiment, comment il s'est débrouillé d'abord au Canadien recrue? Est-ce que tu l'as vu à l'œuvre? Est-ce qu'il avait l'air un peu perdu? Ouais. Je l'ai, non, pas du tout. Non. Moi, ce qui m'impressionne, parce que moi, vous savez, je couvre le sport depuis 20 ans dans l'Ouest canadien. Et évidemment, moi, je pense être habitué de couvrir, évidemment, la Ligue canadienne de football, les mêmes camps chaque année. Hein, on regroupe entre 75 et 80 joueurs. On en garde une cinquantaine pour la saison dans quelques semaines. Et moi, ce qui m'impressionne, ce que je vois de remarquable et de différent dans son cas d'Alexandre Gagnon, c'est que il a une maturité, il a un calme et il travaille très fort, évidemment, pour comprendre, pour avoir des meilleures techniques, pour être un meilleur joueur. C'est ça qu'il me dit depuis, moi je l'ai interviewé déjà trois fois depuis le début du camp, et il dit, moi je veux m'améliorer, je veux évidemment, j'ai les meilleurs avec moi ici qui me donnent des trucs pour comment bien utiliser mon physique. Et il est conscient qu'avec un 6 pieds 8, 233 livres, il est vraiment là, il est capable de se démarquer des autres parce qu'il a une très longue portée en défensive. Et c'est difficile de dire s'il va réussir à être avec l'équipe. Ça dépend des positions. Vous savez, dans la Ligue canadienne, il y a aussi le jeu entre les Américains. Tant d'Américains, tant de Canadiens. Et ça, c'est de la politique dans le domaine du sport. Et moi, j'ai bien hâte de voir. Mais moi, il est bien parti, il a une bonne attitude, il est souriant, il veut apprendre tous les jours. Et là, eh bien, et comme je vous disais hors d'onde hier ou avant-hier, ça va dépendre évidemment, parce qu'il y a seulement deux. Au hockey, ils ont souvent 10 matchs, 12 matchs sur concours. Ils ont 3-4 camps avant les vrais camps. C'est que le football, là, il y a seulement 2 matchs sur concours. Il y a 80 joueurs. Faut que tu sortes de l'ordinaire. Et ça va y prendre un excellent match sur concours. Et avec ça, s'il a un bon match sur concours, il va peut-être forcer la main à John Ofnigal, des Stampeders, de rester avec l'équipe. Parce que, bon, oui, comme partant à la défensive, ça peut être un gros défi pour lui. Okay. Et vu qu'il y a une longue portée, il peut être un excellent atout, un élément extrêmement important sur les unités spéciales. Vous savez comment c'est important d'avoir des bons Canadiens sur les unités spéciales dans la Ligue canadienne de football. Et ça, je pense, c'est son atout. Et il apprend tous les jours. Hier, il me l'a dit, j'ai dit, bon, c'est... Est-ce que tu lis entre les lignes? Est-ce que tu es capable de voir peut-être des commentaires d'entraîneurs qui poussent à croire que tu peux rester avec l'équipe d'ici les prochaines semaines pour une saison complète? C'est difficile à dire. Je continue à travailler fort, je donne tout pour le tout. Et lui, il y a un peu une carte dans son jeu. C'est qu'il reste encore un an d'éligibilité à sa carrière universitaire avec Sherbrooke. Hein, il est étudiant en enseignement au secondaire. Et il dit, je vais tout donner, mais il dit, si ça fonctionne pas et je suis retranché, ben j'irai parfaire un peu mes techniques, ce que j'ai appris à Sherbrooke, et peut-être l'année prochaine, mon année avec l'organisation des Stampeders de Calgary. Marc-Éric, est-ce que l'anglais est une barrière dans son cas? Parce que dans l'Ouest canadien, c'est pas facile, là, c'est pas que les Alouettes, tu sais, s'il arrêtait repêché par les Alouettes, ça aurait été plus facile. Même les Alouettes, ça se passe pas mal en anglais. Mais il y a meilleur moyen de communiquer, je pense. Donc, est-ce que là-dessus, l'anglais est une barrière pour lui? Ma première question, aussitôt que je l'ai vu, c'est ma première question, c'est ma question que je pose à presque tous les Québécois, année après année, depuis au moins une dizaine d'années. Puis, comment va ton anglais? Il m'a répondu de façon extrêmement honnête. Il dit, je comprends extrêmement bien. C'est pour m'exprimer, ça va me prendre quelques semaines à peut-être être plus à l'aise. Mais il dit, le cahier de jeu, je l'ai compris. Tout de suite, il dit, j'ai aucun problème avec ça. Pour moi, c'est pas une barrière. J'ai assez d'expérience pour comprendre évidemment tout le jargon et les termes techniques au football. Et pour Alexandre, pour certains, peut-être que ça a été difficile. Je sais que Pierre Lavertu, il y a quelques années, ça avait été très difficile pour lui d'apprendre évidemment la langue et tout ça. Pour Alexandre, pour lui, c'est pas du tout un problème. OK. Dis-moi, est-ce que John Ofnigal, tu as parlé d'Alexandre? Est-ce que lui, il a des chances de faire l'équipe? Selon Ofnigal. Ben, moi, j'ai discuté avec John Ofnigal, j'ai discuté avec Dave Dickinson, qui est l'entraîneur. Okay. Ofnigal laisse toute la place à... C'est difficile d'avoir des entrevues avec Ofnigal. Okay. Dave Dickinson, peut-être? Dave Dickinson. Ouais, c'est ça. Dickinson a dit que, lui, il est... C'est que Alexandre est impressionnant par son gabarit. Ouais. C'est, lui et un autre joueur à la ligne offensive sont les deux plus grands et de loin de l'organisation des Stampeders sur 80 joueurs. Mmh. Et évidemment, ça, évidemment, dans le football, c'est un atout extrêmement important. Et évidemment, il dit, moi, je veux une belle bataille. Je veux que les jeunes donnent le tout pour le tout. Et Dickinson était les premières impressions, parce que Dickinson, lui, c'est l'entraîneur-chef. Lui, il va aller voir plus son entraîneur adjoint en défensive, son gars des unités spéciales. Puis là, ils vont se parler. Après le premier match en concours, ils vont dire, bon, moi, ce que j'ai vu d'Alexandre Gagnon, c'est très bon. Vous, de plus proche, qu'est-ce qui fait qu'on doit garder ce jeune homme? Mmh. C'est comme ça qu'on va discuter et c'est comme ça qu'on va prendre la décision. Mais première impression a été très bonne de la part de David Johnson. Concernant notre... Parle-moi maintenant pour Alexandre, le fait d'évoluer à Calgary dans une équipe qui est vraiment stable, une organisation qui est excellente année après année, c'est pour lui, c'est merveilleux. Il ne peut pas tomber dans une meilleure organisation que ça. Là. Ben, il l'a dit justement hier, il dit waouh, les entraîneurs qui sont ici, il dit Calgary a la réputation d'être patient avec ses choix au repêchage. Il dit ça, c'est un atout extrêmement important. Le fait que Calgary a passé tellement proche de gagner la Coupe Grey, vous savez, en finale contre Ottawa, il dit c'est vraiment intéressant. Et en plus, il est arrivé dans une organisation où il y a des vétérans de quelques années qui sont des anciens de l'Université de Sherbrooke. Mm. C'est-à-dire William Langlais. William Langlais qui a joué pour Sherbrooke. Je connais bien Alexandre. C'est un peu le grand frère Langlais à l'endroit d'Alexandre. Et j'ai parlé justement à William Langlais hier. Il dit, je vais tout faire pour qu'il soit à l'aise, qu'il dorme bien, qu'il s'entend bien avec les gars, que je peux lui faire connaître la ville davantage. Et il est très bien entouré ici à Calgary. Et on lui souhaite la meilleure des chances dans ce camp des Stampeders. Là, tu vas au camp des Bombers, camp, parce que il y a des Bombers, il y a un autre gars de Dolbeau, Shane Gauthier, moi, je pense que son poste n'est pas assuré, à tout le moins. Là, mais l'année passée, ça avait été une surprise. L'année passée, il avait surpris tout le monde, comme ça, par évidemment son attitude, par son côté extrêmement fonceur. Mais là, et les Bombers, on le dit depuis une semaine, c'est l'organisation qui a le moins bougé parce qu'elle était très satisfaite de son noyau ou de ses jeunes joueurs qui étaient en évolution. Et à moins de me tromper, là, je vais en savoir un peu plus avec Mike O'Shea, l'entraîneur-chef, la semaine prochaine, j'ai l'impression que ce serait très surprenant de voir Gauthier être tranché parce que lui aussi, il est capable d'être polyvalent à la défensive. Ouais. Sur les unités spéciales, il est capable d'être un bon joueur sur les unités spéciales. Et on vous en dira un peu plus la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu vas au camp des Bombers? Possiblement, là, c'est ça, il reste à voir la journée, là, mais on va le faire sur... moi, j'ai beaucoup de famille au Manitoba, c'est là que j'ai commencé ma carrière. Ben oui. Journaliste. J'ai un frère qui est enseignant là-bas. Ah, c'est fun, ma belle famille sont des franco-manitobains de Saint-Boniface. Et je suis presque chez nous quand je vais à Winnipeg. OK. Ben, on se reparle, on va se reparler une couple de fois durant l'entraînement, évidemment, la situation d'Alexandre Gagnon et de Shane Gauthier. Il radique deux, c'est pas mal le fun, en tout cas, de Boom Sissini. Ah, c'est vraiment très bon. Et ça prouve que, justement, il me l'avait dit lors de la première entrevue qu'il m'a accordée, Alexandre Gagnon. Il dit, c'est grâce à mes entraîneurs à Dolbeau que je suis rendu ici tellement qu'il y a une vision de nous faire évoluer rapidement pour être capable d'être non seulement des bons étudiants, mais des très, très bons athlètes. Ben, merci beaucoup, Marc-Éric. On se reparle très, très bientôt. Merci, bonne journée. Il est le correspondant à Calgary pour Radio-Canada, Marc-Éric Bouchard.